Hein? C'est le 2. Le retour des Vatos. Hein? Hein? Comme un lion, je protège ma mif. Papa m'a dit, fais la tif. En studio, je les traumatise. Je suis comme un gosse hyperactif. Un pas de travers, tu perds la if. Que tes gros montants demandent ta if. Laisse-moi la seule plaque quand j'arrive. Y'aura qu'une seule tentative. Je vais pas vous rater la vie de ma mère. Je connais bien le prix de la guerre. Et la guerre, c'est le prix de la paix. 7-5-0, le prix de la paix. Au réveil, je croque une liasse. Je prends mon petit déj au lit. Chérie, je suis désolé. Je vais te laisser même si t'es jolie. Jeune fille, elle string sur les chevilles. Elle attend que je vienne. On n'ira pas danser au bal de l'Opéra de Vienne. J'ai de l'oseille, je revis. Et toutes mes ex, elles reviennent. Moi, j'ai changé de vie. Je m'en fous de ce qu'elles deviennent. J'suis devant comme Chevchenko, ça veut pas lâcher le bendo. Couvre-feu, on éteint tout, on t'a mis comme Palbenko. J'ai refait toute la déco, j'm'endors dans un 4 étoiles. J'repars à la gratte très tôt, le chemin est gravé. Facile de trouver une arme, dur de trouver un CDD. J'fais pas chauffer comme un kilo de CBD. C'est Noël mais c'est l'été, j'sors enfin de l'obscurité. J'vous souhaite bonne année, santé et prospérité. J'vends mon machin sur eBay, j'encaisse sur la série B. Sur le terrain, j'vais me balader. Maradona, RIP. Mes replays, mes replays. J'fais que des hits, tu sers. Ninja 7X, teaser, wesh. C'est moi le premier arrivé. C'est le premier qui visère, ouais. Dis-moi, je t'aime dans les yeux. J'mange avec des grands monsieur. Sur moi, j'ai des grammes aussi. J'en refais un du mousseux. J'aimerais chanter pour tous ceux qui se sent tout seul, puis l'on crache fait que tout seul. J'suis devant comme Chevchenko, ça veut pas lâcher le bendo. Couvre-feu, on éteint tout, on t'a mis comme Palbenko. J'ai refait toute la déco, j'm'endors dans un 4 étoiles. J'repars à la gratte très tôt, le chemin est grave étroit.